Vous prenez toujours le métro à la même heure? Oui, je le prends toujours à la même heure. Vous connaissez le trajet par cœur? Oui, je le connais par cœur. Vous achetez votre carte de transport à l'avance? Oui, je l'achète à l'avance. Vous compostez toujours votre ticket? Oui, je le composte toujours. Vous portez toujours vos papiers sur vous? Oui, je les porte toujours sur moi.